60. La radio de vos années préférées. Nostalgie. Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin, parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent, et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leurs pas légers comme un matin. Et parmi les donjons perchés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs rondes folles, passent sous les donjons sans dire une parole. Ils ne regardent pas, les bras tendus vers eux, danseront. Jolie balade, c'est la balade, c'est la balade. Danseront, jolie balade, c'est la balade d'Arlequin. Ces baladins qui serpentent les routes, mais qui sont-ils donc dans leur costume d'or? Des vagabonds ou des dieux en déroute? Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brume, ils danseront pieds nus sur des fils argentés que 5000 araignées tisseront sous la lune d'une branche de houx jusqu'au sapin gelé. Ils sont accompagnés dans leur ronde divine par les enfants des rois aux longs cheveux bouclés. C'est un cortège bleu de 1000 mandolines où flottent un peu partout des voiles de mariée. C'est ainsi que l'on vit le plus grand mariage de la fille du vent avec un arlequin. Mais tout cela n'était qu'un fragile mirage, et je reste tout seul avec mes lendemains. Oui, les baladins, vous partez. Emmenez-moi. Through the mirror of my mind, time after time, I see a reflection of you and me. Reflections of lost from the hurt that

là pour nous seuls. Dis, n'est-ce pas merveilleux? La vague danse sur les écailles. Cette lune qui dort dans un ciel tout en or. Et ce vent qui nous berce, n'est-ce pas merveilleux? Et ta main dans la mienne, et ton cœur près du mien, l'éternelle rengaine, c'est quand même merveilleux. Oui, c'est quand même merveilleux. Qui chante, dis, ferme les yeux, retiens, le représente, cette nuit de velours, et ce souffle d'amour, pour deux cœurs amoureux, n'est-ce pas merveilleux? Monday won't go away. she looks so fine. She's the best girl that I've ever had. But sometimes the show makes me feel so bad. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. She broke my heart, but her love was just the same. Now hush, hush. Les plus grands artistes des années 60. The little old

mon cœur est une maison vide où tu ne viens plus, mon amour. Mon cœur est une maison vide où n'entre plus jamais le jour. Au long de quatre murs humides s'accroche un éternel hiver. Mon cœur est une maison vide, comme un village après la guerre. Une maison vide où chaque chose t'aime et t'attend. Mon cœur est une maison vide où meurt la vie, où pleure le temps. Mon cœur est une terre aride que tu as su apprivoiser. Mon cœur est une maison vide dont tu as emporté la clé. Nostalgie 60. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie. Out.

Adieu, joli Candy. Tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu, joli Candy. Je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Mais cet avion te ramène en Angleterre. Adieu, joli Candy. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu, adieu, adieu. Oh, the shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag's just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Don't you hear about Louis Miller? He disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie Heath spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Did he dive up? Ho, ho! Yes, Sugi Tawdry. Ooh, Miss Lottie Lenya. And old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe, now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Sookie Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms. I will drive.

happy day. Oh, happy day. Oh, the happy day. Oh, happy day. Oh, Lord. Oh, happy day. Mm, good God. Oh, happy day. Oh, yeah. Oh, happy day. Mm, oh. Oh, happy day. Thank you.

des étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans ma est la chanson que la nuit m'apporte. Mon cœur déjà ne la connaît plus. C'est à écouter sur nostalgie.be. Nostalgie 60. Nostalgie 60. Nostalgie. Sur le nez, oh, oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi, ouais, ouais. Girl,

T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, et va chez lui la retrouver, jolie môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Jolie môme. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le. Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie 60, les plus grands artistes des années 60. Nostalgie. Donne-moi ma chance.